Chapitre 12e, un dimanche lugubre. Pour Marcia, le calme dans lequel la maison était plongée pendant ces jours silencieux était terrible. Chaque bruit de pas humain et chaque son de voix humaine était étouffé pour que le sommeil d'Arthur Holroyd ne fût pas interrompu par une cause extérieure. Durant ces affreux jours, Marcia resta seule assise dans sa chambre, assise pendant des heures sans parler, sans remuer, paraissant presque apathique, mais en réalité envahie par une terreur si profonde qu'elle la privait de tout pouvoir d'action. On lui avait dit qu'il n'y avait aucun espoir pour Arthur Holroyd. Il pouvait languir quelques heures, même quelques jours, mais ce n'était qu'une question de souffrance plus ou moins prolongée. Quelque lent et traînant que puissent être les pas de la mort, il ne s'approchait pas moins sûrement de lui. Le plus que la science médicale pouvait faire pour Holroyd était de ralentir les mouvements de son pas fatal. Marcia savait cela, et elle croyait sincèrement que le mourant avait été frappé par la main de Godfrey Pierrepoint. N'avait-il pas dit que s'il se rencontrait, il obtiendrait une plus sévère justice que celle des tribunaux, une réparation plus hâtive des torts faits à un époux déshonoré que celle accomplie par le papier timbré des procureurs et les arrêts du Parlement? Et un fatal accident avait amené leur rencontre, et il en était résulté ce qui devait arriver. Elle avait beaucoup songé à la possibilité d'une telle rencontre après son entrevue avec Godfrey, mais même au milieu des vagues terreurs qui l'avaient tourmentée, il lui restait une espérance, mais plus encore qu'une espérance, la certitude qu'un sentiment chrétien retiendrait sa main et qu'il laisserait son ennemi partir à demi par pitié, à demi par mépris, comme il aurait laissé se sauver une bête sauvage qu'il aurait cru à peine digne de devenir la proie d'un loyal chasseur. Ses craintes pour Godfrey scellaient ses lèvres. Elle n'avait fait aucune enquête pour savoir comment l'attentat contre Holroyd avait eu lieu. Si elle avait su qu'il avait reçu un coup de feu dans le dos, l'angoisse de ces terribles jours lui eût été épargnée, car dans n'importe quelle circonstance, elle n'aurait cru que Godfrey fût un assassin. Elle s'imaginait que les deux hommes s'étaient trouvés face à face et que sur le lieu même, sans avoir le temps de régler le cérémonial, quelque duel implacable avait eu lieu entre eux et que l'homme criminel était tombé frappé par la main de l'offensé. Elle pensait cela, et l'horreur de cette pensée glaçait son âme d'épouvante. Elle n'osait faire aucune question sur ce tragique mystère, car quelque prudemment qu'elle pût parler, quelques malheureux mots pouvaient être dangereux, peut-être même fatals pour lui. « Je tâtonne dans les ténèbres, » pensait-elle. « Je ne parlerai pas de cette affaire du tout. Je n'ouvrirai pas mes lèvres sur ce sujet, car je craindrais de faire un malheur. » Dorothée, en voyant sa maîtresse si pâle et si silencieuse, si froide et si réservée, n'avait pas le courage de lui parler de cette tragédie. Elle avait rapporté la sentence de mort qu'avait prononcée le grand chirurgien, dont les détails étaient arrivés jusqu'à la chambre de la femme de charge. Mais c'était tout ce qu'elle avait osé dire. Sir Gaspard resta dans ses appartements, et Madame Harding ne sortit pas de sa chambre, tout à fait brisée par ce choc, avait-elle dit à Madame Browning, lorsque la femme de charge avait été la visiter dans sa chambre où tout était clos. Cela peut sembler une chose assez facile de tuer un mandarin, lorsqu'un souhait est suffisant pour commettre le crime, et qu'il y a toute la distance qui sépare l'Europe de l'Asie entre la victime et son meurtrier. Mais n'est-ce pas différent si la mauvaise pensée était jusqu'à l'action et que le mandarin, attaqué par une main sanguinaire, a été ramené au logis pour mourir petit à petit sous le même toit que son meurtrier? Ce cas imprévu ne peut avoir rien de très agréable. Madame Harding gémit tout haut en refusant quelque nourriture épaisse de malade que la femme de charge lui avait rapportée. « Non, chère et bonne créature, » s'écria-t-elle, car il y avait peu de circonstances où elle oublia d'être polie. « Je n'ai pas besoin d'arrowroot. Cet épouvantable événement m'a donné ma névralgie, et l'arrowroot ne se prend pas pour la névralgie. Retirez-vous. Vous êtes d'une bonne âme. Je sais que vous avez besoin en bas. » Et lorsque la porte fut refermée sur la bonne âme, Blanche Harding rejeta ses couvertures et se leva, paraissant grande et terrible comme un fantôme dans ses vêtements blancs. Elle se leva et parcourut la chambre les pieds nus, en moderne Jane Shore, mais ayant plus de fautes sur la conscience que Jane Shore. « Oh Dieu !» s'écria-t-elle, que je suis misérable. Y a-t-il jamais une créature plus malheureuse que moi? Combien d'années dois-je endurer une existence aussi affreuse? Et comment oserais-je mourir lorsque ma fin approchera? La maison était comme une tombe durant ces jours d'attente d'une fin fatale. Les domestiques se glissaient et allaient et venaient de côté et d'autre, comme des ombres dans le royaume de Pluton. La cloche du dîner était muette. Aucun repas digne d'être décrit n'était servi dans les régions supérieures. Mais les plateaux montaient et descendaient les escaliers, sans que souvent ce qu'ils contenaient eût été goûté. Qui aurait pu boire ou manger pendant que les pas furtifs de la mort s'avançaient au milieu du silence? Marcia eut peut-être été longtemps avant de sortir de la mortelle stupeur qui l'oppressait depuis la nuit où le meurtre avait été commis. S'il ne lui fût survenu tout à coup la nécessité d'employer ses soins et sa tendresse féminine. Le dimanche après le fatal événement, Dorothée tomba malade, très malade, malade d'une manière alarmante. Et le cœur de Marcia s'adoucit soudain, quand elle vit sa petite protégée agiter sa tête fiévreuse sur un oreiller en désordre, en murmurant des discours incohérents. Le médecin de la famille vint voir la jeune malade et prescrivit quelques simples potions calmantes. « Une excitation du cerveau, sans doute, dit-il, et peut-être un soudain refroidissement par-dessus le marché. Les jeunes personnes de cet âge sont si imprudentes. Ne vous alarmez pas, mademoiselle Dennison. Nous remettrons vite votre petite femme de chambre sur pied. Vous pouvez y compter. » Marcia congédia la femme de chambre qui avait la première découvert la maladie de Dorothée et lui avait administré du thé très faible et fait respirer des sels très forts, croyant que ces deux réconfortants étaient infaillibles dans toutes les maladies mortelles. Cette fille avait bon cœur, mais était rude et maladroite. Ainsi Marcia la renvoya et s'établit auprès du lit de Dorothée, ayant un nouveau testament ouvert sur une petite table et le cœur fatigué et triste. « Au moins que je puisse faire un peu de bien dans ce monde, » pensa-t-elle, « puisque je ne peux rien pour lui. Il est entouré de dangers, et je ne puis lui tendre la main pour le secourir. » Ce fut un dimanche très fatigant et très ennuyeux. Les cloches de Scarsdale semblèrent sonner toute la journée, et en vérité, c'est un attribut des cloches d'église en général pour les personnes qui ne vont pas à l'église. Dans les tristes dispositions d'esprit de Marcia, elles semblaient sonner comme les cloches des funérailles. « Où est-il parti ? » pensait-elle. « Qu'a-t-il fait depuis cette soirée ?» Elle n'avait pas osé demander si Godfrey était à l'ermitage, car laisser entendre qu'il avait été dans le voisinage pouvait le mener aux assises et le faire condamner. La loi de Lynch, en Angleterre, peut à bon droit être appelée meurtrière. Et le temps est passé depuis longtemps où un duel à minuit, dans lequel il n'y avait pas eu d'irrégularité, pouvait être reconnu comme un homicide permis. Ainsi, elle n'osait prononcer le nom sous lequel Godfrey était connu à Scarsdale. Elle n'osait pas aller dans le bois dans l'espérance de le rencontrer, de crainte que l'envie de la voir ne le fît sortir de quelque cachette et ne l'entraînât dans quelque danger inconnu. Elle pouvait seulement s'interroger à son sujet. Était-il couché quelque part dans le bois, enfoui profondément sous les fougères épaisses, attendant une heure propice pour fuir? Ou avait-il quitté l'endroit hardiment en se montrant la face des hommes? Et était-il parti de nouveau pour ses extravagants voyages à travers le globe? Cela semblait plus probable avec son caractère. Et Marcia frissonnait en pensant combien facilement il pourrait être trouvé et ramené pour le déshonneur et la mort. C'était sur la brune et pour la première fois depuis plusieurs heures, Marcia était tombée dans un demi-sommeil, presque aussi fiévreux que celui de la jeune fille qu'elle gardait. Des rêves confus et de vagues terreurs la troublaient pendant qu'elle dormait. Mais elle avait la conscience que ce n'était que des rêves, qu'elle était dans une mélancolique chambre de malade, et que c'étaient les gémissements plaintifs de Dorothée qu'elle entendait quand celle-ci jetait ses cheveux en désordre de côté et d'autre sur son oreiller. « Ne dites pas cela, ne dites pas cela !» s'écria la jeune fille. « Ce n'est pas lui, cela ne peut être lui !» Dorothée avait été très incohérente dans ses petits intervalles de délire. Elle avait en outre parlé de tant de choses et avait répété les mêmes choses si souvent que le cerveau de la pauvre Marcia avait été fatigué de ses répétitions sans suite. Mais en ce moment, dans sa demi-somnolence, elle se prit à écouter les paroles extravagantes de la jeune fille. « Les billets !» s'écrie Dorothée. Non, non, non, ce n'est pas le même billet. Ce n'est pas le même numéro. Non, pas le même. La porte était ouverte tandis que la jeune fille couchée joignait ses mains suppliantes en répétant ces phrases incohérentes dans lesquelles les mots billets et numéros revenaient constamment. Madame Browning entra avec une tasse de thé et quelques légers morceaux de pain et de beurre sur un petit plateau d'argent. « Je vous apporte une tasse de bon thé fort, mademoiselle, » dit la vieille femme. « Voulez-vous essayer de prendre quelques bouchées de pain et de beurre ?»« Vous n'avez rien pris depuis le déjeuner, mademoiselle Marcia. » Les anciens de Scarsdale appelaient rarement leur jeune maîtresse, mademoiselle Denison. « Et quel déjeuner ?» J'ai vu le plateau que Sanders descendait, et les choses qu'il contenait avaient été à peine touchées. « Chère mademoiselle Marcia, vous vous rendrez malade. » « Je ne pense pas que ce soit bien important que je sois malade ou non, » répondit Marcia tristement. « Je ne puis manger, Browning. Je vais essayer de prendre un peu de thé et quelques bouchées de pain et de beurre pour vous faire plaisir. J'ai peur que Dorothée ne soit très malade. Elle a encore eu le délire depuis que je lui ai fait prendre sa potion. » La jeune malade parlait toujours avec la même voix triste et gémissante. La femme de chambre, qui était impotente dans les moments de mort ou de maladie, s'approcha de son lit et se pencha sur son petit corps agité. « Comme elle va son train en parlant de ses billets et de ses numéros ?» dit Madame Browning. « Je pense qu'elle fatigue sa pauvre tête en songeant à cette affiche que l'agent de police de Londres a fait imprimer. Quelle affiche ? L'affiche offrant une récompense à celui qui arrêtera le meurtrier. Qui a offert cette récompense ? Votre papa, mademoiselle Marcia. Il a agi comme un noble gentleman qu'il est. « Monsieur Holroyd était son hôte, dit-il. Il ne peut pas avoir été assassiné avec un... Je crois que c'est punité, n'est-ce pas, mademoiselle ? Mais ces longs mots me troublent quelquefois. L'agent de police m'en a parlé. »« J'aimerais avoir une de ces affiches, Browning, » dit Marcia, d'une voix faible. Une récompense offerte par son père. Les limiers de la loi étaient déjà alléchés par la promesse de l'or. « Je vais vous apporter un de ces placards, si vous le désirez, mademoiselle Marcia, » dit la femme de charge. « Il y en a une quantité dans ma chambre. » La dame alla dans le corridor, où elle trouva une fille de service qu'elle dépêcha à la recherche de ce dont elle avait besoin. Cela eut demandé une partie de la journée à madame Browning elle-même, pour aller dans les plus basses régions de la maison. Mais la jeune servante, leste et active, traversa les corridors et les escaliers, et revint promptement en tenant le placard à la main. La femme de charge le porta à Marcia, et alors, pour la première fois, celle-ci apprit qu'on avait volé 300 livres sterling à Holroyd. Cette découverte lui causa la joie la plus grande qu'elle eût éprouvée de sa vie. Pour elle, le fait du vol semblait la preuve la plus concluante de l'innocence de Pierrepoint. Une femme d'un esprit plus ordinaire aurait pensé que ce vol était une simple invention pour dérouter et jeter la police sur une fausse piste. Mais Marcia n'y avait pas pensé. Ses craintes avaient profondément outragé l'homme qu'elle aimait, mais elle ne l'avait jamais accusé d'être capable d'aucune vile bassesse. Tout ce qu'un noble sauvage pouvait faire sans rougir, elle s'imaginait qu'il était bien possible que votre Pierrepoint l'eût fait dans un mouvement de colère désordonné. Mais dévaliser le corps inanimé de sa victime, souiller ses doigts au contact impur de l'argent de son ennemi, non. Une telle action ne pouvait jamais être commise par aucun rejeton d'une orgueilleuse et noble race. Lorsqu'elle fut un peu remise de l'émotion qu'elle avait éprouvée en découvrant l'innocence de Godfrey, Marcia se décida pour la première fois à parler librement de l'attentat qui avait été commis. Elle questionna Madame Browning et apprit les détails du crime. On avait tiré un coup de feu dans le dos de la victime. Ah, Dieu soit béni, il n'aurait jamais attaqué son ennemi ainsi. Ce n'est que face à face qu'un homme tel que lui pouvait jamais se mesurer avec son ennemi. Marcia écouta tranquillement tout ce que la femme de charge avait à lui dire. Puis lorsque la terrible histoire fut finie, elle s'assit toute songeuse, tandis que le crépuscule devenait plus sombre et que le dernier rayon du soleil couchant qui se réfléchissait sur le mur disparaissait. De temps à autre, les paroles extravagantes de Dorothée l'attiraient de sa rêverie, et les principales plaintes de la jeune fille étaient toujours au sujet des numéros et des billets. Tout à coup, elle se leva sur son lit et cria tout haut. « Oh non, non, non, Célina, ne sois pas cruelle. Ne dis pas qu'il l'a fait. » Marcia se mit sur ses pieds. « Bonté divine, » exclama-t-elle, « cette fille sait quelque chose sur le meurtre. » Elle était pétrifiée d'étonnement. Le misérable qui avait commis le crime pouvait-il être un des parents de Dorothée? C'étaient les hommes qui tous étaient renommés pour leur long service et leur stricte honnêteté. La maladie de la jeune fille, que le docteur disait causée par l'agitation de l'âme plutôt que par les désordres du corps, ses paroles désordonnées sur le contenu de l'affiche, puis son cri d'angoisse. Ne dis pas qu'il l'a fait. Tout menait à cette conclusion. Que dois-je faire? Pensait Marcia. Je ne puis trahir les confidences inconscientes de cette fille. Ce serait trop cruel, trop dur. Et cependant, s'il devait être soupçonné, s'il était en danger, ou si quelque homme innocent était accusé, que dois-je faire? Ô Dieu! Rends à cette jeune fille sa raison, et si elle connaît le secret du crime, scelle ses lèvres pour le salut de l'innocent. Marcia tomba à genoux au pied du lit de la jeune malade et pria. Il y a des crises dans la vie d'une femme où la prière seule peut la sauver du désespoir et de la folie. Le calme céleste, qui descend dans les âmes de ceux qui prient avec foi, descendit sur l'esprit de Marcia, tandis que la nuit close entourait son corps agenouillé.